enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! S'est contracté, oh, de la martelette, oh Dieu c'est quoi, oh Seigneur, je dis, oh, tu ferais mieux d'aller revoir tes vieux amis, dit-elle, tu ferais mieux d'aller revoir tes vieux amis, glisser le carbone plus papier dans la machine, et au travail. Ah oui, c'est ça, dit-elle. Aval, me disais-je. Allez, aval. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall. Je vous déteste tous. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall, je vous déteste tous, surveiller, quand les bulldozers d'octobre entraînent dans les maisons à 5 heures du matin. Je recommence. Liberté surveillée. Quand les bulldozers d'octobre entraient dans les maisons à 5 heures du matin. Quand les défenseurs des droits de l'homme étaient assis sur les genoux de la police à 5 heures du matin. Quand les colombes portaient fusils en bandoulière à 5 heures du matin. Quand on demande à la liberté de montrer ses papiers à 5 heures du matin. Il y a ceux qui pleuraient en silence dans un coin de leur cellule. Il y a ceux qui se ruaient sur les barreaux et que les gardiens traitaient de drogués. Il y avait ceux qui hurlaient de peur la nuit. Il y avait ceux qui jeûnaient depuis le début. Quand on fait trébucher la justice dans les maisons pas chauffées à 5 heures du matin. Quand la raison d'État se met en marche à 5 heures du matin. Il y en a qui sont devenus cicatrices à 5 heures du matin. Il y en a qui sont devenus frissons à 5 heures du matin. Il y a ceux qui ont oublié. Il y a ceux qui serrent encore les dents. Il y a ceux qui s'en sacrent. Il y a ceux qui veulent tuer. Extrait de Liberté, Liberté, Librifié. Non, hey, oui. Liberté surveillée, édition Parti, prix. 1975, 52 pages. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On l'a fait, ça? Rita, Rita, Rita. Ouais, bof. Allons-nous, non mais écoutez là. Heureux de vous savoir là. Heureux, le tipette qui s'époumonne. Entendez-vous ça? Écoutez bien. Entendez-vous? Ça, c'est tipette. Ouais. Il s'énerve. C'est un Yorkshire terrier croisé caniche. Il est ouvert. Léo Ferré, lui, avait un chimpanzé. Un beau chimpanzé, parce que c'est joli, un chimpanzé. Non, c'est, qu'est-ce que tu émites là? Ben moi, j'étais... Attention, j'étais en train de préparer ma brebis galeuse, là. C'est un chimpanzé, c'est un chien. Un chien qui cherche son pansé. Mais là, à force de pansé, il va chigner en tabarnant. Il va pleurer. Comme un petit ourson collé au plafond. Pourquoi le petit ourson est collé au plafond? Parce que la peinture était fraîche. Les enfants. Bonjour, oui, je sais, vous avez des problèmes de sommeil, les petits-enfants. C'est votre ami Réré, oncle Réré. Non, mets des bouts de caisse. Mets des bouts de caisse. Essaye de décoder, mon petit Raymond, là. Comme tes nerfs, puis ingurgite de la glace. Ça va passer. C'est comme la vie, ça passe. Mandini, tu te rends pas compte. Voilà. De passe à trépasse. Il n'y avait que de la basse. Boum, boum, boum. Oh, oui! Non, excuse-moi. Non, je partais pour deux jours et puis j'ai laissé des messages sur le répondeur à Clémence, ma belle amie Clémence, qui prépare une tournée bientôt, là. J'essaie d'avoir les billets. Pas qu'à avoir les billets. Plus de billets. Clémence, là, les spectacles dans un an. Un an. Un an, plus de billets. Ça, c'est de l'amour. À sa place, là, je serais stressé en « s'il vous plaît ». Je ne sais pas si elle a fait comme André-Philippe Gagnon avant ses billets. Puis, elle n'a pas une ligne de préparer. On dit à la porte, hey, ouvre-toi la porte, puis crie. Puis, sois drôle, là. Le public attend ça, ils veulent rire. Pourquoi les gens veulent rire, tu penses, mon petit Gautrin Roulette? Pourquoi les gens veulent rire? Mais ils veulent rire pour avoir du plaisir. Donc, tu dois te voter, toi, là. Calme-toi. Pas trop de réflexion de même, là. Tu vas devenir un premier sinistre. Pourquoi les gens ont besoin de rire, toi? Selon moi, là, en fait, à mon âge avancé, je vais avoir 23 ans, moi, là. Mais j'ai vu des affaires. Je suis parti à l'âge de 13 ans, moi. En Nouvelle-Zélande avec Capitaine Bonhomme. Le vrai Capitaine Bonhomme. Ils sont l'oncle Pierre. L'oncle Pierre était malheureusement il se promenait avec ses caissons de bière. J'avoue, de bière mini-bière, là, virtuelle, qui mettait sur son, comment t'appelles ça, téléphone aspergent, dirigeant de la République, dégoulinant, son téléphone dégoulinant, puis il se mettait au-dessus, non, en dessous, pour que ça dégouline, il faut que l'appareil soit au-dessus et toi en dessous. Principe fondamental. Selon monsieur Tell. Tell? Voyons donc, ben oui, Guillaume. Ah oui, Tell, monsieur Tell. Moi, si j'étais... Non, c'est pas Diane, c'est l'autre. Parce que Diane ne s'appelait pas Tell, elle s'appelait Belle. Ça sonne. Oui, c'est Diane Belle. Oui, allô, Diane? Es-tu aussi belle? OK, non, mais c'est... Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Mais pourquoi on parlait de ça, là? Ah oui, c'est ça, le capitaine. Non, mais là, le gars a étudié, non, pas étudié, mais a comme approfondi, même pas approfondi, il a vécu. On va arrêter là, il a vécu. On n'ira pas plus loin, il n'a pas étudié, c'est pas dans les livres, ça, là. Il a pris ça dans le tas. Il était dans le tas. Il a monté. Si tu restes dans le tas, tu vas crever. Si tu montes en haut du tas, tu vas faire carrière. Dans le milieu du spectacle, il suffit de ne pas tomber dans la supérieure fornication. Je me suis fait arracher une dent, moi, là. La dent de gauche. Puis là, ben oui, ben, étant gauchiste, hein, moi, toutes les dents de gauche, enlève-moi ça, il veut aller dans le droit, moi, m'aborde avec la droite. La droite, c'est violence. La gauche, c'est pé. Là, on veut juste mordre. Tandis que l'autre, crrr. Et alors, à gauche, on fait gnang, puis à droite, crrr. Okay. Lorsque ma nouvelle copine me rencontrera, je dis, tape pas de la gauche, va pas à droite. T'as arraché, hein? Comment j'ai arraché le doigt à mon ancienne, hein? Ingénue. Elle se montrait presque bien vue, en rêve ou en réalité. Selon moi, c'est ma vérité. Ça va monter, attention, baissez votre radio. Mais moi, j'ai le goût de la faire. Mais moi, non, je la ferai pas. Madame Tremblay, elle a eu peur à changer de poste. Monsieur, devenez membre de ces cohérents. Pour 25$, c'est pas cher, 25$, c'est cohérent, le radio communautaire associative francophone la plus vieille! Hey, elle voit encore clair à son âge, elle voit plus clair que les plus jeunes! Ça, c'est une radio en santé. Pourquoi elle sait se renouveler? Quand tu veux être au summum, tu dois te renouveler. Tu dois voir en avant. Tu dois être précurseur. Quand tu es précurseur, tes précurseurs, là, tu défriches avant le monde. Tu marches devant les autres sont en arrière. Qu'est-ce que vous faites? On essaie de faire la radio. Ben, nous autres, on n'essaye pas, on en fait. Avec des artisans exceptionnels qui nous amènent des émissions sublimes tous les jours, 365 jours par année. Puis quand il n'y a pas d'animateur, là, Daniel Marcoux, le grand Daniel Marcoux, fait jouer sa musique. Qui trie, là. Lui, là, il est né avec des écouteurs. La musique, il connaît ça. Tu lui parles de n'importe quel groupe, chanteur, chanteuse, pop, rock, indie, warhol. Non, indie, c'est une sorte de musique, hein? Indie, dis-moi oui! Là, il pourrait savoir, c'est irritant pour ses oreilles. Mais il dirait quand même, pour être gentil, c'est les Rita Mitsuko. Il dirait l'album Non Comprendo. Il dirait même l'année 1984, sans aucune gêne. Puis il voit déjà dans sa tête la pochette. Si tu donnais à tout le monde ça, là, la connaissance générale de la musique, Daniel Marcoux, là, lui, il a pas peur de ça, là. Hey, Camille, on a parlé de Camille, je sais pas, il y a quelques années pendant le Radioton, puis elle avait fait quelques albums, puis on commentait sur l'œuvre. On n'était pas d'accord, on s'est pas battu, on a dialogué. C'est ça du monde intelligent, ça se bat pas, ça dialogue, ça parle, ça échange. Dans son coin, il est parti avec son idée que les albums après, c'était pas très bon, puis moi, ben, j'ai quitté en disant que c'était quand même intéressant. C'était un cheminement. On doit laisser cheminer. Quand tu vois de la boucane, là, ben, ça chemine. Même s'il n'y a pas de foyer, ça chemine. Donc, c'est KRL, c'est ma radio. Hier, pas plus longtemps qu'hier, hier. Il y a un gars, je faisais jouer du Yoko Ono. L'œuvre complète de Yoko Ono. J'adore Yoko Ono. Je suis un Yoko Ono. Sans John Lennon, avec John Lennon, n'importe quoi, en dessous. Tu mets John Lennon, c'est comme un sandwich, là, là. Que John Lennon soit au-dessus, en dessous, pas de beurre avec du beurre, pas de musique instrumentale. Un instrumental Yoko Ono, c'est pas bon. Il faut que l'instrument Yoko Ono chante, ça mène dans sa folie. Elle va même plus loin que Diane Dufresne, Yoko Ono. Beaucoup plus loin que Diane Dufresne. Même si Diane est extraordinaire, je l'embrasse. Bonjour Diane, comment ça va? Bon. Je ne vais pas me mettre en chicane avec Diane parce qu'il y a déjà Luc qui... Luc, c'est en mania. Là. Luc Plapla. Allô Plapla, ça va bien là, Plapla? Le monde est stone! Bon, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que Yoko Ono, j'écoutais Yoko Ono, puis là, il y a un gars qui dit... Il dit, c'est quoi? Est-ce que c'est ta musique? J'ai dit, oui, c'est Yoko Ono. Il dit, ah, OK. J'ai dit, quoi, t'aimes ça, t'aimes pas ça? Non, non, mais il dit, je croyais que c'était CKRL. J'ai dit, comment ça? Ben, j'ai dit, il me dit, toi, tu ressembles à CKRL. Tu as le profil de CKRL. Ah là, je me suis bombé le torse, là. J'ai dit, merci. C'est bien gentil de me dire ça. Je sais que je défriche avec ma radio préférée. Là, j'ai fondu en larmes, j'ai barré l'entreprise, on a broyé, on a pleuré. Lui, il dit, arrête, il épongeait, c'était le fleuve, le Nil, l'Égypte, le Nil. En Égypte, il y a le Nil, les Nils, il y a les Nils, il y a les Nils. Non, non, pas à l'endroit où les Nils, le petit cours d'eau, le petit pipi, le petit cours, là. Puis je sais pas, hey, est-ce que le Nil existe encore avec la sécheresse mondiale? Ça doit être juste un petit ruisseau. Ouais, mon ruisseau. Passe pas par le Nil, mais mon fleuve, ça l'aura. Bozo. Hey, c'est quoi, c'est un medley? Oui, c'est un medley bien mêlé de mon ami Félix Boisclair avec sa guitare. J'étais un petit peu que j'avais commencé une minute. Mon analepse de la semaine. Lorsque je fréquentais la maternelle, il n'y a pas si longtemps, je disais aux élèves que mon père posait les ailes sur les papillons. J'ai pas écrit les, j'écris des. Non, j'écris les ailes. Déjà là, j'étais poétique et menteur. Mais ça, écoute, c'était un mensonge qui nous laissait présager des belles visions. C'est pas un mensonge, là. Écoute bien, toi, là. Calotte à l'envers, là. Écoute bien, toi, là. M'a dit la vérité, moi, là. Les poitou avec un fusil, non. J'avais une scie, j'ai découpé, t'es vivante. Non, moi, c'est pas ça, là. C'est pas des faussetés semblables. Moi, c'est pas une fausseté. Veux-tu que je le fasse avec toi? Non. Calme-toi. Prends ton breuvage. T'es plus qu'avec ton breuvage. C'est un breuvage placebo. Regarde, place-le, là. Il est beau, hein? C'est placebo. Le breuvage qui te fait peur, qui fait presque réfléchir. placebo. Alors, la goutte d'eau se fait péter la flaque dans son trou humide. La nuit morbide cristallise l'événement. Le mercredi ajoute son grain quotidien à cette violence naturelle. La tour de Babel s'instaure. Le climat n'attend que sa première glace pour faire glisser le tout dans l'anecdote véhiculée par la vie. Un fait divers dans cette fin d'automne. Rien n'étonne le cycle de l'existence. On n'en parle déjà plus. L'oubli ravale ce moment volé dans l'instantanéité. L'instantanéité. C'est en revenant à l'instantanéité. Okay. Ça va bien. Moi, là, Gaétane m'a rappelé hier. Elle m'a dit, oh, je t'aime un peu. Ouais, ouais. Oh, Gaétane, on a Gaétane. T'es là, Gaétane? Hein? Allô? Hein? C'est une mouche. Tsé-tsé veut dire. Ah non, on fait pas la loi, celle-là. La fille, non, ça non plus, la fille Jaguar, c'est pas très bien. La carte à puce, une belle invention du bon Dieu. Le diable y aurait pas pensé. Elle se fait traiter comme un sac à ordures. Ça non plus. Parce que je dis deux fois le mot vie, ça mérite le portefeuille. Ça coûte 160$ quand même, là, hein? C'est une blague à 160$, elle m'a dit Ça va bien, toi, là? Oui, ça va très bien. Les enfants vont bien. Hey, moi, la petite dernière, là, a fait sa dernière dent. À 28 ans! À 28 ans, sa dernière dent. Ben, en fait, sa dernière dent amovible, là. Parce qu'elle s'est fait péter pour devenir mannequin. Hey, c'est une belle fille, hein? Mais elle s'est dit qu'elle avait la canine qui pendait. Je lui dis, voyons donc, c'est pas la canine qui pend. C'est les regards qui pendent vers autre chose, là, hein? Ils regardent pas les dents, ils regardent le dedans de, hein? Le dedans de, malheureusement, pas le dedans de ton intelligence. Mais en tout cas, c'est la vie de mannequin. Pour être puriste, on doit prôner la dictature intellectuelle en connaissance de cause. Because, une cause. Monsieur le Président. Hey, c'est du Peter Mamimel. Oui, monsieur, c'est Peter Béchamel. Tournez, arrêtez pas, sinon ça va. Ça va faire dur, ça fera pas beau. Ça sera pas très beau. Oh, j'ai mon ami Monique qui m'a laissé un petit mot pour que j'improvise. Attention. Ah, elle m'a laissé une phrase qui est « Un jour, quand je serai jeune. » Ah, c'est bien ça. Bien, en plus, on dirait qu'elle connaît un peu l'univers dans lequel j'aime bien m'élancer. Alors, on y va avec ça. Monique Laporte, mon amie belge. « Un jour, quand je serai jeune. » C'est bien ça, sa phrase. « Un jour, quand je serai jeune, m'a tout abandonné. » Ma vie passée, parce que c'est quand même assez dépassé. M'a tout vendu, tout, mais m'a mal léger, parce que quand tu vieillis, hein, tu t'alourdis. C'est pesant, la vie. T'en rajoutes, hein, t'ajoutes. Tu prends. Tu laisses pas, tu prends, tu gobes. En magazine. Tu peux pas partir comme ça, là, sac au dos, cœur joyeux. Quand je serai jeune, j'aurai tout vendu. Mes enfants, sur eBay, mes enfants gonflables, parce que moi, je n'en ai pas des vrais, je me suis dit, comme je suis un vieux, comme disait la travailleuse sociale, d'un vieux garçon, moi. Là. Elle a mis ça sur le rapport, vieux garçon. Formation universitaire, là, cette caca. Elle dit, comme on peut dire, vous êtes un vieux garçon. Ben, je l'ai dit, hein, non, mais je l'ai mentionné il y a 3 semaines à mon émission. Non, là, vous allez dire, c'est une frustration, c'est un arrêt sur image, hein, t'as été comme vexé. Non, j'ai pas été comme. J'étais vexé. J'ai dit, quand t'as pas des mots pour le dire, tu fermes la bouche, tu ouvres les yeux, tu verras, ça ira mieux. Ou l'inverse. Ben, elle avait des. Pas non plus. Non, c'est facile de discuter du physique des gens. Mais quand je serai jeune, J'abandonnerai toutes les idées préconçues, hein, puis je ne jugerai plus. Je deviendrai enraciné au réel, à la belle rêverie que nous offre la vie, sans la juger, sans lui donner de valeur, juste la gober comme ça dans le bonheur. Je devrais être jovialiste, je ferais de l'argent, encore là. Quand je serai jeune, j'aurai pas d'argent. Pas d'argent, pas de troubles. Je serai Zachée. Zachée qui était monté sur son arbre. À un moment donné, hein, Jésus passe par là. Où est Zachée? Il dit, j'aimerais ça devenir membre, là. Il dit, c'est KRL. Jésus dit, c'est KRL. Mais non, Zachée, mais non, pas c'est KRL. Ça n'existe même pas encore, là. Mais toi, j'aime ça parce que tu vois l'avenir. J'espère que je suis Jésus, moi, là. Il faut qu'on me donne un peu de... Hein? Oui, c'est ça. Quand dis-tu? Comment est-ce que tu dis? Faut donner une certaine candeur, oui, c'est ça. Moi, je suis un voyant de mon époque, moi, là. Je suis le Jojo Savard. Je suis le Jojo Savard. Ah, tu lis ces boules, toi? Non, je lis sur les croix. Sur les clous aussi. Ouais, je vois trois. Je sais pas, clous, je vois trois. Pas trois pouces, trois clous. Trois clous de 12 pouces. Je vois éponge, vinaigré. Mais là, je voudrais qu'il rajoute un peu de sel parce que c'est comme des chips. Hein? C'est surette. Hein? C'est même ma mère. En fait, le vinaigre, c'est pas ma mère, là. Mais c'est très ma mère. Non, je ne demande pas de têter, là. C'est amer. Amer, qu'on va lancer le long à des golfes clairs, à des reflets. Il faut que je regarde si je dépasse mon temps, là. Je vais vous dire pourquoi. Il y a 2 semaines, j'ai fait la plus longue improvisation de 32 minutes. Et voilà, j'espère que Monique, que tu as apprécié. J'ai tombé avec l'enregistreuse. Non, c'est parce que je ne veux pas donner au public cette douloureuse tâche de m'entendre pendant 32 minutes. Alors, on va dire, Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques et vous, chers résidents et résidentes épisodiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 21 novembre 2014, les Errances Rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la demoiselle multi-instrumentiste, auteure, compositrice et interprète Jeanne Chéralde. Jeanne Chéralde voit le jour le 28 février, quelque part dans les années, à Herbré, en Normandie. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fut loin de nous, j'aimerais revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fut loin de nous, j'aimerais revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fit loin de nous, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fit loin de nous, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Sa scolarité s'oriente vers les études littéraires et la jeune femme influencée par la chanson française classique de Georges Moustaki et de Georges Brassens se finit par échouer en fac de philosophie ou entre deux cours magistraux en amphi à l'Université de Nantes. Elle compose, répète, crée et affine un répertoire très orienté chansons françaises réalistes. Elle goûte par ailleurs au théâtre universitaire et associatif, comme c'est KRL. Hein? C'est une radio associative. Cette double expérience de la scène mène ses pas au cabaret. Et puis, plus tard, qu'importe si l'album... elle fit des albums, 4 ou 5, et puis joueur abrégé, malheureusement. En juillet 2014, Erance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime créatrice. Elle va nous en parler de sa vie, de son parcours. Ne vous en faites pas. Et puis, un voyage chargé pour cette nuit presque hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, s'il vous plaît. Ce soir, viens me voir, viens boire, viens t'asseoir. Ce soir, le veux-tu, je te porterai au nu. Regarde-moi, la lune est ronde comme moi. Mais si, regarde, approche-toi, je suis à face cachée. Vise-moi bien et scrute-moi, je suis la lune humanisée. Hey, hey, hey, hey, hey. Ce soir. Ce soir, est-ce toi qui me fais tournoyer? Le vent m'enivre, m'aveugle, viens, tu peux en profiter. Regarde-moi, le vent se roule comme moi. Regarde-moi, le vent s'éboule comme moi. Mais si, regarde, effleure-moi, je suis un souffle léger, léger, léger. Offre ton corps à mon pneuma, prends le zéphyr. Mon cher, est un soir spécial. Lève-moi un peu ce coup d'épée de moi, ce verre, un enfant de 5 ans le boirait sans faire autant de grimaces que toi, petit gringigal. Allez! Nous sommes trois. C'est bien, c'est bien.

d'en savoir plus sur ce qui l'entoure et surtout de C'est à cause de ça que je me suis dirigée vers la philo étant ado, parce que c'était effectivement j'aimais bien les questions plus que les réponses, presque. J'aimais bien parce que les questions restent mais les réponses se modifient. Ouais, les questions c'est ouvert quoi. Oui, c'est ça. Je suis trop vieille pour mourir jeune, trop entourée pour mourir seule, trop mondaine pour mourir dans la misère, trop saine pour mourir d'un ulcère. Je suis trop vieille pour mourir jeune, trop entourée pour mourir seule, trop maigre pour mourir écrasée sous mon poids, trop sobre pour mourir d'une cirrhose du foie. Je suis trop vieille pour mourir jeune, déjà trop vieille pour mourir jeune, trop vieille pour mourir jeune. Jeune, trop entourée pour mourir seule, trop gaie pour mourir sous le coup du chagrin, trop prudente pour mourir au passage d'un train. Je suis trop vieille pour mourir jeune, trop entourée pour mourir seule, trop chienne pour finir dans la gueule du loup, trop moyenne pour mourir d'amour fou. Je suis trop vieille pour mourir jeune, déjà trop vieille pour mourir jeune, trop vieille. Beaucoup trop vieille. Je suis trop vieille pour mourir jeune. Encore trop vieille pour mourir jeune. Trop vieille pour mourir jeune. Je suis trop vieille pour mourir jeune. Trop entourée pour mourir seule. Trop lente pour des idées, trop lâche pour un jour me décider. Je suis trop vieille pour mourir jeune, franchement trop vieille pour mourir jeune. C'est un combat que d'être là quand on n'a pas le attends.

souvent femme varie. Si elle se débat, c'est pour mieux dire oui. Femme que j'aime, comme je l'imagine et comme toujours,

je me souviens. Le ciel de Nantes rend qu'une peur que la vie la dévore. Alerte au massacre, la terre ne tourne plus rond. À toi de là que je m'y mette, baby. Fais gaffe à ta guiquette, guiquette. Rap, rap, rap, rap, rap. On n'a même plus besoin de chanter. La musique est en danger. Au Japon, soutien-gorge musical. En câlinant ta petite amie, tu entends Mozart. Aux USA, slip chanteur, tu déculottes ton petit baigneur et tu entends la Traviata. Ah, ah, ah, ah, ah. Nazim Hikmet, où entendre ton si beau chant des hommes? Rap, rap, rap, souffre, ris amer, cris et chuchotement du journal, en plein désordre mondial. Nous sommes tous en danger! Médias à la dérive, tabac! Tu fumes, tu fumes, tu fumes, tu nous enfumes. Tu fumes pas, ben t'en as de la chance. C'est que la vie, pour toi, c'est du boulot. Le tabac, c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Y'a l'alcool, parle pas de cette bavarde qui vous met la tête à l'envers. La routine, qui était une pocharde, a donné son homme à des blaires. C'est ma morphine, c'est ma coco. C'est ma coco, quoi. Ouais, c'est mon vice à moi, Merlot. Abus vraiment dangereux de centrales nucléaires. Golfech. Actuellement, radiation presque aussi meurtrière que celle de Tchernobyl. Faudra-t-il un dysfonctionnement dément pour qu'enfin on fomente un soulèvement? Rappe-toi de là que je m'y mets. Fais gaffe à ta guiguette, guiguette. L'Irak a montré sa grosse perte. Ah, ah, ah, ah. Ouais, c'est écrit dans Le Monde, c'est un journal sérieux, hein, c'est le titre. L'Irak a montré sa grosse perte. Ha ha ha ha ha. Alerte au massacre. La terre ne tourne plus rond. La paix. La paix. Avec qui? Contre qui? De qui se foutent? Rappe-toi de là que je m'y mette, bébé. Fais gaffe à ta quiquette, quiquette. Jeune de banlieues ou d'ailleurs, de banlieues ou d'ailleurs, entendez-moi. Ouais, j'ai 64 ans. Les anciens, on est quand même de la même race que vous, non? Oui, on se déclinque, nos rides vous épouvantent, vous obligent à penser à votre propre mort. Mais nous, les petits trous, les petites boîtes, l'âge vermeil, l'âge vermillon, trou du con, on en a mort, mort, mort, mort. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche. De sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est la rue, métier, le trottoir. Je ne sens rage, je ne sens en âge, je ne savoue. Avant d'avoir commencé à vivre. Et les petits frères et sœurs des jeunes vrais chômeurs ne peuvent que vivre dans le désespoir. Violence contre violence, par la violence. centre commercial pousse comme un champignon inaccessible, d'une consommation inabordable, qui s'étale comme une provocation. Jusqu'où iront-ils les frics, flics, men? Jusqu'où iront-ils les frics, flics, men? Rate-toi de là que je m'y mène, baby! Banlieues en fièvre, banlieues poudrières, l'impuissance rôde, les risques d'explosion s'affirment, RMI et autres tu, exclus permanent. Les petits frères et sœurs des jeunes chômeurs ne peuvent que vivre dans le désespoir. Sida, tata capote, sida, tata capote, préservatif, tif, amour, danger, choisir d'aimer à mort. Au Salvador, au Salvador, la mort haute comme trois pommes. Juanito, 10 ans guerriero, Carlos, 10 ans combattant de l'armée des gouvernants. De quel tuera l'autre si la folie ne s'arrête pas? Rate-toi là que je m'y mets, bébé. Fais gaffe à ta kikette, piquette. Victoire! Les ouvriers, ça n'existe plus. À preuve, Gorbatchev abandonne la lutte des classes. Les vrais chômeurs, on veut pas le savoir, tous des babacoules attardés probablement. Le CNPF au zénith pour le triomphe du patronat international. Rate-toi de là que je m'y mette, bébé. Fais gaffe à ta kikette, piquette. L'Irak a montré sa grosse perta. La mort et la vie cheminent ensemble. La mort n'a qu'une peur, que la vie la dévore. Guerre du Golfe, guerre de sable, conférence, imitation, armement, mensonge, honte aux médias. Shame on you, shame on you. Au contraire, nous allons vers une nouvelle phase de surarmement. Start, start, start. Cette guerre n'est pas la guerre du droit. Honte aux médias. Ah ouais, les merveilles technologiques. Regardez, regardez. On dirait des lucioles dans le ciel. J'en sais rien, je vous le jure. C'est la rue, métier, le trottoir. C'est typique, c'est rural, c'est cocasse, c'est local, c'est coquet, c'est mignon, c'est marrant, les cochons, c'est charmant, c'est terroir, c'est buffet, c'est tiroir, c'est rustique, c'est nature, c'est du cru, c'est air pur, c'est du coin, c'est folklore, c'est à l'ouest, c'est sud-nord, c'est ancien, c'est tradit, c'est vieillot, c'est vieilli, authentique, vraie valeur, pittoresque, c'est pur beurre, c'est si simple, c'est si bio, c'est si frais, c'est si beau, tellement beau qu'on dirait une pub, c'est complexe, convivial, sans chichi, c'est rural, c'est campagne, c'est les vaches, c'est bouzouge, c'est sous le vache, les racines, les ressources, un peu taupe, un peu ours, c'est paisible, bucolique, c'est champêtre, alcoolique, c'est bouzeux, c'est puant, c'est des bouffes, c'est des glands, c'est des lourds, c'est des rustres, l'enclave culturelle, c'est paumé, c'est couillon, c'est la soupe, le bouillon, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est des bœufs dans la terre, mais d'assez loin, c'est joli, la province, le samedi, la paroisse, l'ensilage, le purin, le village, c'est fermier, tiers état, paysan, mais très sympa, c'est tranquille, bien tranquille, c'est tranquille, trop tranquille, c'est rural, bien rural, c'est rural, trop rural. Touche pas chérie, c'est ça. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Bah, tu me demandes ça et je vois deux oui. personnes en train de s'embrasser à pleine langue là, juste okay. là. Alors la langue, c'est le French kiss. Le French kiss. Okay. Si tu étais une époque. Une époque, je serais la décennie 70, sans hésiter, okay. parce que c'est. Mais je fantasme dessus. Hein. Moi, je suis née en 78, donc je n'ai pas connu, mais j'ai l'impression qu'en

coudes, tes yeux derrière mes cuisses, tes cils sur mes poignets. Je suis bien. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.